Salut les princes et les princesses de Narrative Island. Bienvenue sur la chaîne YouTube du narrativisme. Voilà, un narrativo-vegani, où ici on parle de vrais jeux de rôle, ceux que les autres disent que c'est pas du jeu de rôle. Voilà, ben nous on a l'esprit ouvert, donc on parle de tout, parce qu'il y a plein de façons de s'émanciper. Et donc aujourd'hui on va parler d'un jeu vraiment très flower power, il s'agit du Uno. Et oui, le Uno. Et les mascurolistes fachos prétendent que le Uno n'est pas du jeu de rôle. Alors là vraiment, je ne comprends pas. Alors que le Uno, c'est vraiment une expérience immersive, si tu veux. Chaque carte, en fait, raconte en vrai une petite histoire. Et puis, en même temps, si tu veux, c'est quand même dans une ambiance care, où on va faire du tend and befriend. Et puis, c'est vrai quand même que le Uno, c'est apprendre la communication non violente. Et puis, c'est accessible. Tu peux jouer avec tout le monde, avec tes enfants, avec ta mamie. Donc voilà, c'était la découverte du jeu de rôle du jour, le Uno. Et si tu as, la semaine prochaine, on parlera d'un autre jeu de rôle qui vraiment a révolutionné le milieu en matière d'inclusion, de simplicité du gameplay, et puis surtout quand même d'expérience narrative. Bien sûr, je veux parler de la bonne paye. Voilà, maintenant je laisse la place à Outsider, et je vous fais des bisous les chatons, les chatonnes, je vous fais des cœurs avec les doigts, je vous envoie un immense amour, ciao, bisous. Hop. C'était moi depuis le début. Eh oui, vous y attendez pas. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Bienvenue sur les vidéos Outsider. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de pas du tout people safe, hein, puisque on va parler de jeux de rôle d'horreur. Ouais, t'as vu ce montage de fou. Ouais, alors je suis désolé pour la déco. En fait, je voulais utiliser la déco d'Halloween au départ, là. Mais en fait, tout a été remballé sauf cet élément qui, je dois dire, est quand même particulièrement hideux. Je vais dévorer votre esprit. Bah. Non, c'est vraiment trop. Je ne vais pas le laisser dans le champ, c'est trop hideux. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que j'ai à te dire sur le jeu de rôle d'horreur? Bon bah déjà, j'accroche. Hop, comme d'hab, tu, quand même, tu sais, le petit prompteur qui va bien. Je vais commencer par rappeler, le jeu de rôle d'horreur, je n'ai pas besoin de te le définir, hein, c'est du jeu de rôle, pour se faire peur. D'où est-ce que je parle? Je ne vais pas non plus te balancer de ma bip pic, mais j'ai une petite expérience dans ce domaine. J'ai pas mal joué à l'appel de Cthulhu. J'ai développé pas mal de scénarios pour Sombre, le jeu de rôle d'horreur de Jeanne Sipion, inspiré de l'horreur au cinéma. Et puis, je fais aussi quand même toujours beaucoup d'horreur, même si c'est un peu dilué dans d'autres thématiques, avec l'univers forestier de Milvaux, quoi. Donc, on va découper ça en trois étapes faciles, puisqu'on va parler du jeu d'horreur côté MJ, côté PJ, et après, côté création de jeu. Alors, je n'ai pas fait d'article sur la création du jeu de rôle d'horreur. J'ai fait pas mal d'articles, sur la création de jeu. J'en ai pas fait sur le jeu de rôle d'horreur. Je n'en ferai pas. Donc, voilà. Du coup, si tu veux mes conseils, c'est watch cette vidéo. OK. Côté MJ, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a déjà deux écoles, si tu veux. On va avertir à l'avance à table que c'est du jeu d'horreur. Et donc, dans ces cas-là, en matière de sécurité émotionnelle, ce qu'on peut mettre en place, ce sont les fameux trauma-avertissements. Donc, on va dire, attention, il y a tel contenu choquant qui est susceptible d'intervenir dans la partie. Et éventuellement, du coup, tu peux aussi, dans ton scénario, prévoir, en fait, de modifier ton scénar, ou tu peux le faire en impro, pour t'adapter au tabou. Donc, peut-être que s'il y a une personne qui se dit « Non, mais là, ce trauma-avertissement, pour moi, c'est juste pas possible », bon, il y a peut-être moyen que tu édulcores la scène où il devait y avoir le trauma-avertissement. Et puis comme ça passe, tu peux quand même jouer, quoi. Et puis, il est pas, enfin, c'est sûr, les personnes auront quand même peur, quoi, parce que, voilà. L'autre école, si tu veux, c'est plutôt, on n'est pas cash sur le fait que ça va être, que ça va être horrifique, donc on peut pas faire les traumavertissements, puisque le contenu du scénario, on veut vraiment le laisser secret, ou alors tout simplement, on a prévu d'improviser, donc si tu as prévu d'improviser, c'est difficile de dire les traumavertissements, tu sais pas trop où ça va aller, en fait. Tu peux éventuellement, bah voilà, ou peut-être que c'est tu fais un truc un petit peu comme je crois que c'est une nuit en enfer, je crois, ou une journée en enfer, un truc en enfer, enfin voilà, mes vacances en enfer, je sais plus quel film, mais tu sais, ça commence un petit peu film policier, puis il y a un twist horrifique au milieu du film avec des vampires et tout. Voilà, je t'ai spoilé le film, mais en même temps, faut que je t'ai pas spoilé le titre du film, donc bon. Bon bah les trucs à twist c'est pareil, tu peux pas faire de traumatisement, tu peux même pas prévenir que c'est le jeu de rôle d'horreur puisque le début ne sera pas horrifique. Dans ces cas-là, bah, ce qu'il faut faire si, en matière de sécurité émotionnelle, c'est que tu vas commencer par déliner des voiles au début de la partie et puis bah, tu prévois une carte X, ce qui fait qu'on peut intervenir en temps réel sur les situations, quoi. Je vais te parler maintenant un petit peu de mise en ambiance. Bah, je pense que ça reste vraiment recommandé de jouer le soir hein, pour du jeu de rôle d'horreur. Clairement, la lumière du jour, c'est moins efficace. Sauf si tu as prévu de faire un truc à la Insomnia ou je sais pas quoi. Du coup, tu joues le soir. Le must, c'est un peu à l'ancienne, mais vraiment jouer avec les bougies. Bah, évidemment, là, la musique va être importante. Donc moi j'ai créé un bouquin qui s'appelle Musique sombre pour jeu de rôle sombre. Tu as aussi une playlist associée, tu auras les liens en description. Alors déjà avec la playlist, t'as même pas à préparer ta playlist, elle est déjà toute faite grâce à ce lien. Évidemment, tu vas jouer beaucoup sur les intonations de voix, les murmures, les voix cheloues, les hurlements, les changements de ton très rapides et tout, la possession démoniaque. Donc l'intonation de voix est très importante. Évidemment aussi les champs lexicaux de l'horreur, du gore, des champs lexicaux d'ambiance. Donc il y a un travail à faire aussi sur le vocabulaire. Et puis bon, des vieilles techniques qui marchent toujours comme le jump scare, c'est-à-dire quand un zombie va arriver par surprise derrière un PJ, bah, tu vas derrière la joueuse par surprise et tu cries quoi. Avec quand même un petit bémol, parce qu'il y a des personnes vraiment que ça peut très très indisposer, notamment les personnes hyperacousiques. Où il y a des personnes aussi qui ont des espèces de traumas aussi sur le fait de se faire crier dessus, ça les fait friser. Bon, j'ai envie de dire, jumpscare, fais peut-être que avec des joueuses que tu connais un peu, tu peux un petit peu anticiper les réactions. Donc, après, si tu veux, tu peux en termes de méta-jeu aussi, tu peux un peu roleplayer le MJ sadique, donc faire semblant de prendre vraiment un plaisir immodéré au supplice que vont subir les joueuses, tu vois. Alors, je vais faire une vidéo hein, sur les MJ sadiques, on en parlera plus en détail. Au niveau gameplay, si tu prépares un scénario, il faut toujours prévoir un scénario en huis clos pour que ce soit pas facile pour les joueuses d'échapper à la zone horrifique. À moins que tu fasses un truc comme dans le film Smile, où tu sais, les gens, ou Destination Finale, où les gens sont poursuivis par la mort, qui est donc un adversaire qui peut se déplacer, enfin, elle peut toujours être présent n'importe où. Et non, dans ces cas-là, il n'y a pas de notion de fuite. Mais sinon, en général, il faut que tu fasses un huis clos, quoi. Alors après, quand tu fais du jeu de rôle, quand tu maîtrises du jeu de rôle d'horreur, tu dois te poser la question de la létalité. Tu as un peu la version. Bah, de toute façon, un scénario d'horreur, ça va finir en total. On tue tous les persos, ou éventuellement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le TPK, Total Party Kill. Ou alors, ce qu'on appelle la Final Girl Zone. C'est-à-dire, grosso modo, juste, il va y avoir un personnage qui va survivre, genre pour faire. Voilà, ça c'est un peu. Donc, tu as le jeu de rôle d'horreur très létal. Mais il y a d'autres formes d'horreur qui sont tout aussi légitimes, qui sont plus psychologiques ou métaphysiques, où là, les personnages vont pas forcément mourir, quoi. C'est juste qu'ils vont être traumatisés. Bon, voilà, tu choisis ton école. Et puis, tu as aussi géré une troisième école qui est l'école horreur PVP, où en fait, bah, c'est surtout les joueuses qui vont se faire du mal les unes aux autres. Bon, là, tu ne maîtrises pas forcément les létalités, mais évidemment, moi, je te conseille de mettre des armes partout à leur disposition pour être sûr que ça finisse en boucherie plus aisément, quoi. Voilà, donc ça, c'était côté MJ. Super, je suis déjà. Après, c'est un gros sujet. Bon, tant pis. Hein. Côté PJ, alors comment aborder le jeu de rôle d'horreur quand tu es PJ? Bon, bah, déjà, si tu sais que l'horreur, tu n'aimes pas, bah, j'ai envie de dire, n'y va pas, quoi. Et si tu y vas. Eh bien, moi, j'ai envie de te dire amor fati, quoi. C'est-à-dire, accepte ton destin, accepte qu'il y a de fortes chances que ton personnage subisse de l'impuissance ou meure ou soit ou qu'il lui arrive des trucs horribles. Bon, il faut un peu accepter ce que c'est le deal, quoi. Si tu es dans la résistance par rapport à ça, tu risques de passer une très mauvaise expérience. Donc, faut accepter ce côté frustrant de l'échec ou de l'adversité démesurée, quoi. Quelque chose qui est pourtant plutôt mal vu dans d'autres types de jeux. Évidemment, le jeu de rôle héroïque, où là, c'est absolument mal vu, quoi. Tu peux même accompagner le mouvement, c'est ce qu'on appelle du play to lose, jouer pour perdre, c'est-à-dire vraiment aller au-devant des emmerdes avec ton personnage. Tu es là pour voir ton personnage se faire démonter, quoi, puis c'est ça ton plaisir. Ou au contraire, tu peux te débattre à fond, être vraiment dans une approche tactique, dire non, non, non, moi, mon but, c'est de survivre à ce scénario, donc je vais vraiment faire travailler mes cellules grises, optimiser un maximum pour réussir à survivre. Mais dans ces cas-là, tu dois accepter que la difficulté, en fait, elle est réglée en mode cauchemar dans un scénario d'horreur, quoi. C'est pas impossible de survivre, mais c'est pas non plus gagné, quoi. C'est pas comme dans un donjon et dragon où les facteurs de puissance, ils sont équilibrés de façon à ce que tu survives à la rencontre. Là, ils sont plutôt équilibrés de façon à ce que tu survives pas, quoi. voilà. Voilà, de même dans cette attitude d'acceptation, Peuplé Toulouse, même jeu tactique, ne fuis pas systématiquement l'adversité, quoi. Ne te dis pas, non, faut que je me barre tout de suite de la maison hantée parce que ça peut mettre le MJ en difficulté, quoi. Joue un peu le jeu, c'est partie du contrat social que tu dois explorer la maison hantée, même si c'est très risqué pour ton personnage, quoi. Et même, genre, tu peux aller, ah tiens, moi je vais descendre tout seul à la cave, quoi. Fais ce que feraient des personnages de films d'horreur. Quand tu les regardes, tu te dis, ils sont trop teubés de faire ça. Mais en fait, voilà, si on veut qu'il y ait des scènes horrifiques qui se passent, bah, il faut le faire, quoi. Faire des groupes de 1 et tout un tas d'actions stupides que font les personnages de films d'horreur, quoi. Mais en règle générale, de toute façon, on met en valeur la psychologie de ton personnage et éventuellement son délabrement psychique au fur et à mesure de la partie. Joue la peur, même si tu n'as pas peur, quoi. Peut-être que tu es blasé de l'horreur ou du jeu de rôle d'horreur, mais fais au moins. Parle de la évoque la peur de ton personnage, voire même tu peux roleplayer ta peur de joueuse, quoi. Vraiment, en tant que joueuse, tu vas faire des commentaires méta, oh là là, vraiment, qu'est-ce qui va nous arriver? Oh là là, non, non, ça devient trop flippant. Voilà, c'est un peu aussi fake it until you make it, quoi. À force de faire semblant, tu vas peut-être vraiment t'immerger dans cette émotion de peur, ce qui est quand même un peu l'émotion qu'on recherche quand on se joue à ces jeux, quoi. Dernier conseil pour les joueuses, ne joue pas un monstre. C'est-à-dire que moi, je vois une attitude assez récurrente chez les joueuses de jeux d'horreur, c'est que pour échapper justement à l'émotion de peur, elles vont se mettre jouer un croque-mitaine, quoi, qui est finalement aussi méchant que les méchants et tout. Et du coup, elles se disent, bon voilà, maintenant moi aussi je fais partie des méchants, donc comme ça j'ai pas peur. Bah ouais, mais du coup tu te mets à l'abri, tu échappes à l'émotion de peur, c'est peut-être un peu dommage, quoi. Bon, donc je dirais plutôt, ne joue pas souvent un monstre. Des fois, ça va être intéressant, notamment si on est sur l'horreur PVP. Mais si tu fais ça systématiquement pour fuir l'horreur, peut-être que simplement le jeu d'horreur n'est pas fait pour toi, quoi. Enfin, il y a matière à y réfléchir, quoi, ou en tout cas à discuter avec la table. Alors bon, déjà 13 minutes. Allez, je finis avec la côté création de jeu. Côté création de jeu, bah déjà. Mais. De petits chats, oui, bah, c'est l'horreur, on a le droit de petits chats quand même. Moi j'ai un cœur aussi, moi j'aime les chatons. Je pense que c'est important de se focus sur le système de résolution, sur son calibrage. Donc il y a plusieurs manières de faire. Tu vois, dans l'appel de Cthulhu, le système de résolution est général. En général, c'est dur, mais c'est pas non plus insurmontable. C'est rare qu'on fasse un TPK à l'appel de Cthulhu, et même il y a des possibilités, on va dire mécaniques, de vaincre l'adversité, quoi. À l'inverse, tu as des jeux qui vont mettre l'équilibrage très dur, quoi. Bah, c'est le cas de Sombre, hein, où le but d'un scénario de Sombre, c'est qu'il n'y ait qu'un personnage survivant. Donc clairement, quand tu vois tes scores au jet de dés, t'es une moule anémique, hein. Clairement, c'est très difficile de gagner, de sortir vivant d'un combat, quoi. Et les ennemis, eux, ils ont beaucoup d'avantages techniques par rapport à toi, quoi. On peut envisager moi, je pense que les jeux de rôle old school fonctionnent très bien pour faire des jeux de rôle d'horreur parce qu'on est à peu près sur ce même équilibrage quand tu joues niveau 1 en tout cas. Et moi, si on joue old school, je conseille aussi d'utiliser les points de vie pour gérer la santé mentale. C'est-à-dire que plutôt que perdre des points de santé mentale, tu perds des points de vie. Ce que tu vois est tellement horrible, ça te fait perdre des points de vie, de la combativité en quelque sorte. J'aime bien cette double pression sur les points de vie, je trouve que ça fonctionne bien, quoi. Alors, tu as aussi les jeux d'horreur avec une difficulté qui est régulée. Je pense à Innommable, où en fait la difficulté des GD va augmenter au fur et à mesure de la partie. Moi, j'ai écrit un jeu qui s'appelle L'Empreinte, où c'est un peu ça. C'est de plus en plus, il y a une montée, certes, en plus, il y a une montée en difficulté des GD au fur et à mesure. Donc là, au moins, c'est équilibré. C'est-à-dire que MJ n'a pas à se poser la question de l'équilibrage. Tandis que dans Sombre, il faut quand même, quand tu crées un scénario dans Sombre, il faut y réfléchir. Là, dans L'Empreinte, c'est géré. Tu as des jeux carrément comme Final Girl, où Final Girl, mécaniquement, c'est acté qu'il n'y aura qu'un seul personnage qui va survivre. En fait, la question, c'est plutôt bah, qui va survivre? Et puis, il y a Ten Candles, c'est un jeu d'horreur où là, c'est acté que tous les personnages vont mourir. Donc voilà, en fait, c'est séquencé comme ça. Donc c'est pareil, l'équilibrage est déjà prévu de cette façon. Tu peux aussi faire des jeux d'horreur qui mécanisent pas trop l'adversité, mais qui mettent beaucoup plus l'accent sur l'émotion. C'est le cas de mon jeu qui s'appelle Le Témoignage, où en fait, les mécaniques servent juste à gérer un petit peu la montée en émotion du personnage. Et puis, bon, bah, c'est un conseil générique, mais je pense que dans un jeu d'horreur, c'est toujours intéressant. Bon, on se rappelle tous du système de santé mentale qui est tout pété, mais qui a quand même marqué les esprits. Je pense que c'est toujours intéressant de prévoir un sous-système dédié à la psychologie des personnages. Bon, voilà. Bah, écoute, je continue à battre des records de durée. Donc, Sludge, tu t'y envoies. Au revoir, allez. Au revoir. Et abonnez-vous. Miaou.